Chapitre 3e, vers le sommet. Vers 1 heure, les pas des guides, leur conversation, le bruit des portes qu'on ouvre, nous indiquent que le moment approche. Bientôt, M. Ravanel entre dans notre chambre. « Allons, messieurs, debout, le temps est magnifique. Vers 10 heures, nous serons au sommet. » À ces paroles, nous sautons en bas de nos lits et nous procédons lestement à notre toilette. Deux de nos guides, Ambroise Ravanel et son cousin Simon, partent en avant pour explorer le chemin. Ils sont munis d'une lanterne qui doit nous indiquer la direction à suivre et armés de leurs piolets pour faire la route et tailler des pas dans les endroits trop difficiles. À 2 heures, nous nous attachons tous ensemble. Voici l'ordre de marche. Devant moi et en tête, Édouard Ravanel. Derrière moi, Édouard Simon, puis Donatien Levesque. Après lui, nos deux porteurs, car nous avions pris pour second le domestique de la cabane des Grands Mulets et toute la caravane de M. N. Les guides et les porteurs s'étant répartis les provisions, on donne le signal du départ, et nous nous mettons en route au milieu de ténèbres profondes, en nous dirigeant sous la lanterne qu'ont emporté nos premiers guides. Ce départ a quelque chose de solennel. On parle peu, le vague de l'inconnu vous obsède, mais cette situation nouvelle et violente exalte et rend insensible au danger qu'elle comporte. Le paysage environnant est fantastique. On n'en distingue pas bien les contours. De grandes masses blanchâtres et indécises, avec des taches noires un peu plus accusées, ferment l'horizon. La voûte céleste brille d'un éclat particulier. On aperçoit, à une distance qu'on ne peut apprécier, la lanterne vacillante des guides qui font la route, et le lugubre silence de la nuit n'est troublé que par le bruit sec éloigné de la hache taillant des pas dans la glace. On gravit lentement et avec précaution la première rampe en se dirigeant vers la base du dôme du goûter. Au bout de 2 heures d'une ascension pénible, on arrive au premier plateau, nommé Petit Plateau, situé au pied du dôme du goûter à une hauteur de 3 650 mètres. Après quelques minutes de repos, on reprend sa marche en inclinant à gauche et en se dirigeant vers la côte qui conduit au grand plateau. Mais déjà notre caravane n'est plus aussi nombreuse. Monsieur N, avec ses guides, s'est détaché. La fatigue qu'il éprouve l'oblige à prendre un peu plus de repos. Vers 4h30, l'aube commence à blanchir l'horizon. Nous franchissons à ce moment la rampe qui conduit au grand plateau où nous arrivons sans encombre. Nous étions à 3 900 mètres. Nous avions bien gagné notre déjeuner. Contre l'habitude, Levesque et moi nous avions bon appétit. C'était bon signe. Nous nous installâmes donc sur la neige et nous fîmes un repas de circonstance. Nos guides, joyeux, considéraient notre succès comme assuré. Pour moi, je trouvais qu'ils allaient un peu vite en besogne. Quelques instants plus tard, M. N. nous rejoignit. Nous insistâmes vivement pour qu'il prît quelque nourriture. Il refusa obstinément. Il éprouvait cette contraction de l'estomac si commune dans ces parages, et il était fort abattu. Le grand plateau mérite une description particulière. À droite s'élève le dôme du goûter, en face de soi, le Mont Blanc, qui le domine encore de 900 mètres. À gauche, les rochers rouges et les monts maudits. Ce cirque immense est partout d'une blancheur éblouissante. Il présente de tous côtés d'énormes crevasses. C'est dans l'une d'elles que furent engloutis en 1820 trois des guides qui accompagnaient le docteur Hamel et le colonel Anderson. Depuis cette époque, en 1864, un autre guide, Ambroise Coutet, y a trouvé la mort. Il faut traverser ce plateau avec de grandes précautions, car il y existe souvent des crevasses cachées par la neige. De plus, il est fréquemment balayé par les avalanches. Le 13 octobre 1866, un voyageur anglais et trois de ses guides furent ensevelis sous une montagne de glace tombée du Mont Blanc. Après un travail des plus périlleux, on parvint à retrouver les corps des trois guides. On s'attendait à chaque instant à découvrir celui du voyageur, quand une nouvelle avalanche vint s'abattre sur la première et obligea les travailleurs à renoncer à leur recherche. Trois routes s'offraient à nous. La route ordinaire, qui consiste à prendre tout à fait à gauche, sur la base des monts maudits, une espèce de vallée appelée porche ou corridor, conduit par des pentes modérées au haut du premier escarpement des rochers rouges. La seconde, moins fréquentée, prend à droite par le dôme du goûter et mène au sommet du Mont Blanc par l'arête qui relie ces deux montagnes. Il faut pendant 3 heures suivre un chemin vertigineux et escalader une tranche de glace vive assez difficile, nommée la bosse du dromadaire. La troisième route consiste à monter directement au sommet du corridor, en gravissant un mur de glace haut de 250 mètres qui longe le premier escarpement des Rochers Rouges. Les guides ayant déclaré la première route impraticable en raison des crevasses récentes qui la barraient entièrement, il nous restait le choix entre les deux autres. Pour moi, j'opinais pour la deuxième, qui passe par la bosse du dromadaire, mais elle fut jugée trop dangereuse et il fut décidé que nous attaquerions le mur de glace qui conduit au sommet du corridor. Quand une décision est prise, le mieux est de l'exécuter sans retard. Nous traversons donc le grand plateau et nous arrivons au pied de cet obstacle vraiment effrayant. Plus nous avançons, plus son inclinaison semble se rapprocher de la verticale. En outre, plusieurs crevasses que nous n'avions pas aperçues s'ouvrent à nos pieds. Nous commençons néanmoins cette difficile ascension. Le premier guide de tête ébauche les marches, le second les achève. Nous faisons deux pas par minute. Plus nous montons, plus l'inclinaison augmente. Nos guides eux-mêmes se consultent sur la route à suivre. Ils parlent en patois et ne sont pas toujours d'accord, ce qui n'est pas bon signe. Enfin, l'inclinaison devient telle que le bord de nos chapeaux touche les mollets du guide qui nous précède. Une mitraille de morceaux de glace produite par la taille des pas nous aveugle et rend notre position encore plus pénible. Alors, m'adressant à nos guides de tête, « Ah ça, leur dis-je, c'est très bien de monter par là. Cela n'est pas une grande route, j'en conviens, mais c'est encore praticable. Seulement par où nous ferez-vous redescendre ?»« Oh, monsieur, » me répondit Ambroise Ravanel, « au retour, nous prendrons un autre chemin. » Enfin, après 2 heures de violents efforts et après avoir taillé plus de 400 marches dans cette montée effrayante, nous arrivons à bout de force au sommet du corridor. Nous traversons alors un plateau de neige légèrement incliné et nous côtoyons une immense crevasse qui nous barre la route. À peine l'avons-nous tournée qu'un cri d'admiration s'échappe de nos poitrines. À droite, le Piémont et les plaines de la Lombardie sont à nos pieds. À gauche, les massifs des Alpes Pennines et de l'Oberland, couronnés de neige, élèvent leurs cimes incomparables. Le Mont Rose et le Cervin seul nous dominent encore, mais bientôt nous les dominerons à notre tour. Cette réflexion nous ramène au but de notre expédition. Nous tournons nos regards vers le Mont Blanc et nous restons stupéfaits. « Dieu, qu'il est encore loin !» s'écrie Levesque. « Et où ? » ajoutai-je. C'était en effet désespérant. Le fameux mur de la côte, si redouté, qu'il fallait absolument franchir, était devant nous avec son inclinaison de 50 degrés. Mais après avoir escaladé le mur du corridor, il ne nous effrayait pas. Nous prenons une demi-heure de repos, puis nous continuons notre route. Mais nous nous aperçûmes bientôt que les circonstances atmosphériques n'étaient plus les mêmes. Le ciel nous frappait de ses rayons ardents, et leur réflexion sur la neige doublait notre supplice. La raréfaction de l'air commençait à se faire cruellement sentir. Nous avancions lentement, en faisant des haltes fréquentes, et nous finissons par atteindre le plateau qui domine le second escarpement des Rochers Rouges. Nous étions au pied du Mont Blanc. Il s'élevait, seul et majestueux, à une hauteur de 200 mètres au-dessus de nous. Le Mont Rose lui-même avait baissé pavillon. Levesque et moi, nous étions absolument à bout de force. Quant à M. N., qui nous avait rejoints au sommet du corridor, on peut dire qu'il était insensible à la raréfaction de l'air, car il ne respirait plus, pour ainsi dire. Nous commençons enfin à escalader le dernier degré. Nous faisions 10 pas et nous nous arrêtions, nous trouvant dans l'impossibilité absolue d'aller plus loin. Une contraction douloureuse de la gorge rendait notre respiration encore plus difficile. Nos jambes nous refusaient le service, et je compris alors cette expression pittoresque de Jacques Balma, quand, en racontant sa première ascension, il dit que ses jambes semblaient ne plus tenir qu'à l'aide de son pantalon. Mais un sentiment plus fort dominait la matière, et si le corps demandait grâce, le cœur, répondant « Excelsior, Excelsior », étouffait ses plaintes désespérées et poussait en avant, et malgré elle, notre pauvre machine détraquée. Nous passons ainsi les petits mulets, rochers situés à 4666 mètres, et après 2 heures d'efforts surhumains, nous dominons enfin la chaîne entière. Le Mont Blanc est sous nos pieds. Il était 12h15. L'orgueil du succès nous remit promptement de nos fatigues. Nous avions donc enfin conquis cette cime redoutée. Nous dominions toutes les autres, et cette pensée que le Mont Blanc seul peut faire naître nous plongeait dans une émotion profonde. C'était l'ambition satisfaite et pour moi surtout un rêve devenu réalité. Le Mont Blanc est la plus haute montagne de l'Europe. Un certain nombre de montagnes en Asie et en Amérique sont plus élevées, mais à quoi bon les affronter si, par impossibilité absolue d'en atteindre la cime, on doit en fin de compte rester dominé par elles. D'autres, tels que le Cervin par exemple, sont d'un accès encore plus difficile, mais le sommet de ce mont, nous l'apercevons à 400 mètres au-dessous de nous. Et puis, quel spectacle pour nous récompenser de nos peines! Le ciel, toujours pur, avait pris une teinte d'un bleu très foncé. Le soleil, dépouillé d'une partie de ses rayons, avait perdu son éclat, comme dans une éclipse partielle. Cet effet, dû à la raréfaction de l'atmosphère, était d'autant plus sensible que les montagnes et les plaines environnantes étaient inondées de lumière. Aussi, aucun détail ne nous échappait. Au sud-est, les montagnes du Piémont et plus loin les plaines de la Lombardie fermaient notre horizon. Vers l'ouest, les montagnes de la Savoie et celles du Dauphiné. Au-delà, la vallée du Rhône. Au nord-ouest, le lac de Genève, le Jura. Puis, en redescendant vers le sud, un chaos de montagnes et de glaciers, quelque chose d'indescriptible, dominé par le massif du Mont Rose, les Michelbernhörner, le Cervin, le Weisshorn, la plus belle des cimes, comme l'appelle le célèbre ascensionniste Tyndall, et plus loin par la Jungfrau, le Mönch, l'Eiger et le Finsteraarhorn. On peut évaluer à moins de 60 lieues l'étendue de notre rayon. Nous découvrions donc 120 lieues de pays au moins. Une circonstance particulière vint encore augmenter la beauté du spectacle. Des nuages se formèrent du côté de l'Italie et envahirent les vallées des Alpes Pennines, mais sans envoler les sommets. Nous eûmes bientôt sous les yeux un second ciel, un ciel inférieur, une mer de nuages, d'où émergeait tout un archipel de pics et de montagnes couverts de neige. C'était quelque chose de magique, que le plus grand des poètes rendrait à peine. Le sommet du Mont-Blanc forme une arête dirigée du sud-ouest au nord-est, longue de 200 pas et large d'un mètre au point culminant. On dirait une coque de navire renversée, la quille en l'air. Chose très rare, la température était alors fort élevée, 10 degrés au-dessus de zéro. L'air était presque calme. Parfois une légère brise d'est se faisait sentir. Le premier soin de nos guides avait été de nous placer tous en ligne sur la crête faisant face à Chamonix, pour qu'on pût d'en bas facilement nous compter et s'assurer que personne ne manquait à l'appel. Nombre de touristes étaient rendus au Brévent et au Jardin pour suivre notre ascension. Ils purent en constater le succès. Mais ce n'est pas tout que de monter, il fallait songer à redescendre. Le plus difficile, sinon le plus fatigant, restait à faire. Et puis, on quitte à regret une sommité conquise au prix de tant de labeur. Le ressort qui vous poussait en montant, ce besoin de dominer, si naturel et si impérieux, vous fait défaut. Vous marchez sans ardeur, en regardant souvent en arrière. Il fallut pourtant se décider. Après une dernière libation du champagne traditionnel, nous nous mettons en route. Nous étions restés une heure au sommet.